Ni belle journée. Quelle jolie journée. Ni belle journée. Ah, quelle jolie journée. Ni belle journée. Si si bien que vous l'êtes. Ni belle journée. Voulez-vous les danser. Ni belle journée. Voulez-vous les danser. Ni belle journée. Maman est la moins contente. Ni belle journée. Moi des autres moins contents. Ni belle journée. Nous toutes nous la nous bien. Ni belle journée. Nous toutes nous la nous bien. Ni belle journée. Maman est la moins contente. Ni belle journée. Quelle jolie journée. Ni belle journée. Ah, quelle jolie journée. Belle journée, comme pour les anciens. Belle journée, nous tout nous la nous bien. Belle journée, ah quelle jolie journée. Belle journée, ah quelle jolie journée. Belle journée, si si bien que vous l'êtes. Belle journée, voulez-vous les danser. Belle journée, voulez-vous les danser. Belle journée, car vous les cachotez. Belle journée, quelle jolie journée. Belle journée, ah quelle jolie journée. Belle journée, même si la pluie tombait. Belle journée, même si l'orage roulait. Belle journée, même si tout ne pétait. J'en dis à ces journées. Une belle journée. Quelle jolie journée. Une belle journée. Ah, quelle jolie journée. Une belle journée. Ah, quelle jolie journée. Une belle journée. Maman est là, moins content. Une belle journée. Moins dix autres, moins content. Une belle journée. Quelle jolie journée. Une belle journée. Bon anniversaire. Une belle journée. Ah, quelle jolie journée. Une belle journée. Ah, quelle jolie journée. Une belle journée. Ah, quelle jolie journée. Une belle journée. Si si bien que vous l'êtes. Une belle journée. Voulez-vous les danser. Une belle journée. Voulez-vous les danser. Une belle journée. Voulez-vous les danser. Une belle journée. Même si la pluie tombait. Une belle journée. Même si l'orage roulait. Une belle journée. Même si tout ne pétait. Une belle journée. J'en dis à ces journées. Une belle journée. Quelle jolie journée. Une belle journée. Quelle jolie journée. Une belle journée. Maman est là, moi content. Une belle journée. Moi dis autres, moi content. Une belle journée. Maman est là, moi content. Une belle journée. Rangé pour les anciens. Une belle journée. Les jeunes pour les anciens. Une belle journée. Nous tous ensemble nous là. Une belle journée. Quelle jolie journée. Une belle journée. Ah, quelle jolie journée. Une belle journée. J'en dis à ces journées. Une belle journée. Bon anniversaire. Une belle journée. Maman est là, moi content. Une belle journée. Même si la pluie tombait. Une belle journée.